Exercice 7, page 120. A. La truite aux fruits et aux noix. B. Une cuillerée d'huile dans une poêle. C. Introduisez la truite et poivrez. D. Puis la crème fluide et remuez. E. Puis les poires cuites et réduisez. F. Une bonne poignée de noix et voilà.